la mère de Célio s'inquiète pour son fils et lui raconte l'histoire d'un homme qui trahit son ami. Dans le jardin de Claudio, alors qu'il vient d'avertir son valet qu'il a confiance en Marianne, sa femme, celle-ci arrive. « Savez-vous ce qui m'arrive pendant que vous courez les champs? J'ai reçu la visite de votre cousin. » « Qui cela peut-il être ? » « Nommez-le par son nom. » « Octave, qui m'a fait une déclaration d'amour de la part de son ami Célio. » « Qui est Célio ? Connaissez-vous cet homme ? Trouvez-vous bon que ni lui ni Octave ne mettent les pieds dans cette maison ?»« Je le connais. C'est le fils d'Armia, notre voisine. Qu'avez-vous répondu à cela ?»« Il ne s'agit pas de ce que j'ai répondu. Comprenez-vous ce que je dis ? Donnez ordre à vos gens qui ne laissent entrer ni cet homme ni son ami. Je m'attends à quelque opportunité de leur part et je suis bien aise de l'éviter. » Elle sort. À ce moment-là, Claudio proclame sa méfiance envers sa femme.